Unité 30. La question partielle. Où? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? Vous voulez aller où? 2. Forme. Où? Vous allez où? Où est-ce que vous allez? Quand? Tu arrives quand? Quand est-ce que tu arrives? Comment? Tu voyages comment? Comment est-ce que tu voyages? Combien? Ça coûte combien? Combien ça coûte? Combien est-ce que ça coûte? Combien de? Il y a combien de personnes? Combien de personnes est-ce qu'il y a? Pourquoi? Pourquoi vous marchez vite? Pourquoi est-ce que vous marchez vite? 3. Prononciation et orthographe. Que devient QU apostrophe devant une voyelle ou un H muet? Où est-ce qu'il travaille? Avec quand, on fait la liaison. On prononce T. Quand est-ce qu'il commence ?